Tu viens à peine de naître, que chantent les oiseaux, et ta maman te berce sur son ventre bien chaud. Te voilà sur la terre, il y a des animaux, des oursons, des panthères, et puis des chamallows. Il y a des mammifères, des loutres, des escargots, et des coléoptères, et puis des chamallows. Il y a des gens peints en vert qu'on appelle végétaux, et des bonhommes en pierre, et puis des chamallows. Voilà en gros la terre, voilà en gros le tableau. Tu verras, c'est super, sur tous les chamallows.